Printemps, votre émission littéraire présentée par Mona. Alors j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Muriel Claes-Regnault qui vient nous parler de son recueil de nouvelles « Les jours de chance » publié chez Rebeline Éditions. Bonjour Muriel. Bonjour Mona. Alors vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de vous ? Donc je viens de Belfort, dans le territoire de Belfort. Du coup, je n'écris pas, ce n'est pas mon activité principale. J'ai une activité professionnelle à côté, mais j'écris en fait depuis très très longtemps. Donc j'ai déjà écrit un livre en 2011. Donc Les jours de chance, c'est mon deuxième livre. Et en fait, j'ai fait des concours de nouvelles, des concours de poésie. J'ai écrit une pièce de théâtre. En fait, j'essaye d'écrire un peu sous toutes, d'utiliser l'écriture sous toutes ses formes, parce que c'est vraiment un plaisir et un terrain de jeu pour moi très intéressant. Donc voilà. Alors quel est le style que vous préférez ? Le roman, la nouvelle, la poésie ? Le roman. Le roman. Le roman, même si ça prend plus de temps, je préfère quand même le roman. Oui. Alors quel était le déclic ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire éditer en fait ? C'est quand j'ai eu 29 ans et que mes 30 ans approchaient, je me suis dit c'est un moment important de ta vie. Voilà, 30 ans, c'est un passage. Je venais d'avoir mes enfants, j'étais installée dans ma vie professionnelle et l'écriture, j'avais toujours aimé l'écriture, j'écrivais depuis déjà très très longtemps et je me suis dit si tu veux vraiment faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, je me suis un peu prise en main et je me suis vraiment mise à l'écriture. Et j'ai commencé, par chercher des concours. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça que ça a débuté. D'accord. Et vous avez des rituels d'écriture ? Je veux dire, vous écrivez tous les jours ? Vous vous forcez à écrire tant de mots par jour ? Non, je n'ai pas de rituel. En fait, ça travaille toujours dans ma tête. Je dirais que ça travaille quasiment tous les jours. Mais ce qui est difficile, c'est d'avoir du temps pour écrire. Donc, il y a des moments où, surtout pendant les vacances d'été, où là, vraiment, je décroche du quotidien. Donc là, j'arrive plus facilement à me mettre en fait dans ma bulle. Parce que ce qui est difficile, c'est d'avoir du temps pour décrocher de tout le quotidien, de se mettre dans sa bulle et de commencer à écrire, d'être dans son univers. Parce qu'on est toujours happé finalement par les enfants, par le mari, par le travail. Et voilà, et ça demande du temps de se mettre dans sa bulle. Donc c'est souvent sur des grandes périodes où je ne travaille pas, où je peux vraiment me mettre dans ma bulle et là écrire. Mais le travail d'écriture, je dirais que c'est l'aboutissement de tout le reste. Tout le travail, le travail, il commence à partir du moment où je réfléchis. Et en fait, ça prend beaucoup de temps et je dirais que ça prend même, pour le prochain roman, là, ça fait, je dirais, plusieurs années que je suis dessus, dans ma tête. Et je me mets à l'écriture à partir du moment où c'est abouti dans ma tête, où il n'y a plus qu'à poser les choses sur le papier. D'accord, donc vous connaissez déjà la fin, en fait. Je connais déjà la fin. D'accord. Oui, je connais la fin. Alors, vous pouvez nous parler des jours de chance ? Alors, les jours de chance, c'est des personnages de la vie quotidienne, parce que je trouve que la vie quotidienne est une grande source d'inspiration. J'observe toujours quand je vais me promener, quand je vais me balader, quand je suis à la terrasse d'un café, dans les transports en commun, dans ma vie professionnelle, dans une soirée. En fait, je passe beaucoup de temps à observer les choses, à observer les gens. Regardez les petits détails de la vie quotidienne, les petits détails des gens, les petits traits de caractère, les personnalités. Et en fait, j'emmagasine tout ça dans ma tête. Après, je note sur un petit carnet, ou des fois à la maison, je note sur des bouts de papier quand j'ai des idées qui me viennent. Donc, il y a souvent plein de bouts de papier qui traînent partout. Et voilà, et c'est comme ça que je construis petit à petit. J'ai déjà une idée un petit peu de mes personnages ou de mon univers, et après, je le nourris de ma vie quotidienne. Donc c'est important, je trouve, justement, d'avoir une vie en parallèle de l'écriture, de ne pas vivre que de l'écriture, parce que justement c'est ça qui alimente aussi mon travail et mon écriture. Mm-hmm. C'est tout ce qui se passe en fait autour de moi. Ça peut être un lieu, je peux avoir des coups de cœur pour des lieux, pour une musique, pour une sensation, pour un rayon de soleil, un oiseau qui passe, des petites choses comme ça, des petits détails que je vais retranscrire après dans mes livres qui font que ça donne une réalité en fait à quelque chose d'ancré dans le réel. Dans mes histoires, voilà. Alors, le recueil comprend 6 nouvelles, donc 5 qui racontent une tranche de la vie de femme et une seule qui concerne un homme, en fait. Alors, c'est délibéré et pourquoi ? Non, c'est, en fait, c'est pas délibéré, c'est... Je sais pas, en fait, des fois, mes personnages, c'est eux qui s'imposent à moi, en fait. Et du coup, cet homme, il est arrivé... ça faisait longtemps que j'avais aussi envie d'écrire, de mettre à la place d'un homme. Dans ce recueil, je me suis aussi mise à la place d'une adolescente. En fait, j'aime bien, c'est comme des jeux de rôle, en fait. C'est voilà, je me mets dans la peau d'un personnage. Je fais du théâtre aussi, donc je pense que peut-être ça aide. Mais voilà, je m'imagine dans la peau d'une personne et j'imagine toute la vie, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il aime. Un peu comme quand j'observe les gens dans la rue. Je m'imagine leur vie. Je m'imagine plein de choses, en fait. Je m'imagine ce qu'ils pensent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont rendez-vous avec quelqu'un, c'est quoi leurs amis. Enfin, voilà. Et du coup, ce personnage-là, j'avais envie de tenter aussi. Enfin, je me suis dit, oui, un homme, pourquoi pas. C'est aussi intéressant de se mettre dans la peau de ce genre de... Enfin, voilà, de ce personnage. Mais alors, pourquoi certains personnages n'ont pas de nom ? Je sais pas. Parce que souvent ils ont un prénom, on sait qui ils sont, puis tout d'un coup il y en a deux ou trois, on ne sait pas. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas de nom, parce que il n'y avait pas besoin. D'accord. En fait. Du coup l'histoire c'est, j'ai écrit l'histoire et en fait je pense que je parle peut-être à la première personne. Et du coup, c'est moi, ces personnages, donc du coup, ils n'ont pas besoin de... Enfin, c'est moi, moi dans la peau du personnage, c'est le personnage que j'ai créé. Et du coup, si je n'ai pas besoin de le définir à la troisième personne, je ne vais pas lui donner nom parce que j'en ai pas besoin, en fait. Mmh. Alors, si on est très, très attentif, il y a comme un fil rouge. Les personnages se croisent ou bien ce qui leur arrive, des fois, impacte les autres. Alors, c'est délibéré, c'est pour donner une certaine cohérence ah oui. au recueil ? Ah oui, c'est délibéré, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que, pareil, je me dis, dans la vie, on croise, les vies se croisent et s'entrecroisent. Et dans ce livre, j'avais pas envie, souvent les recueils de nouvelles, quand je les lis, je suis toujours un peu frustrée parce que quand j'ai fini une histoire, voilà, c'est fini. Je passe à une autre. Ça m'a toujours un peu gênée. Moi, j'avais envie parce que dans la vie, c'est comme ça. Souvent, les choses sont liées les unes aux autres. Les gens peuvent se connaître. Enfin, il y a des liens entre les gens sans qu'ils le sachent forcément. Et j'avais envie que ça transparaisse dans mon livre. Et puis j'avais envie que ce soit aussi une surprise pour le lecteur. J'avais envie qu'il prenne du plaisir à lire chaque histoire indépendamment. Et puis qu'il ait cette surprise de dire « Oh mais c'est rigolo oui. !» Finalement, il y a en plus deux sens de lecture. Dire « Oh mais finalement, il y a aussi des liens entre les personnages. J'ai envie de le relire, mais maintenant sous cet angle-là, de voir comment ils sont liés les uns aux autres et qu'est-ce qui les rapproche. » Et voilà. Alors nous allons faire une pause, nous revenons après Porto Vecchio de Julien Doré. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Ton corps pour mieux tourner. porto vecchio. Pour oublier ta main et le goût de ta peau. Ah. Tu m'as lâché la main sur le porto vecchio. Alors, nous sommes toujours avec Muriel Claes-Regnault pour son recueil de nouvelles « Les jours de chance ». Alors, dans la nouvelle « La fugue », vous faites dire à votre personnage, je vous cite, « Mais qui sommes-nous dans le roman de la vie ? Un super-héros ? Un figurant ? Quel rôle le destin nous accorde-t-il dans l'histoire de l'univers ? Sommes-nous simplement des étoiles filantes qui passent en éclairant un instant l'obscurité du monde avant de disparaître pour toujours dans les ténèbres de l'infini ? Ou nos actes influencent-ils le cours de la création bien plus que nous l'imaginons ? Alors, est-ce que ce sont des questions que vous-même vous posez ? Ah oui, tout le temps. Oui, oui. Je me pose toutes les questions existentielles que vous trouvez dans le livre. Ce sont des questions que je me pose. Mm. D'accord. Oui, oui. Alors, vous avez déjà trouvé quelques éléments de réponse ou bien comme votre personnage, pensez-vous que les questions n'auront de réponse que lorsque nous serons morts ? Je pense que les questions... Enfin, nous aurons sûrement... Je l'espère, des réponses quand nous ne serons plus là. Mais je pense que quand même, nous sommes liés à quelque chose. Ça transparaît beaucoup dans ce livre. Il y a quelque chose... Je voulais donner une dimension spirituelle parce que je pense que nous sommes quand même liés à quelque chose de spirituel. Alors, je ne suis pas... J'ai beaucoup réfléchi. Alors, je suis de confession catholique, mais je ne suis pas pratiquante. Et les religions, je ne suis pas trop... Enfin, je trouve que ça nous enferme. Je suis quand même très attachée à quelque chose de spirituel parce que je me rends compte, en vieillissant, que les choses ont un sens souvent, que finalement on ne décide pas forcément de grand chose de notre vie. On a l'impression qu'on fait des choix, mais finalement il y a des choses qui s'imposent à nous et finalement qui peuvent nous déplaire au départ et qui finalement vont nous apporter beaucoup et qui vont nous donner un sens, vont nous des rencontres aussi qui peuvent être auxquelles on ne s'attend pas et qui peuvent vraiment changer le cours de notre existence. Et je me dis, c'est pas possible qu'il y ait rien, en fait, que ce soit comme ça, le hasard. Je me dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait quand même que du hasard. Alors, j'ai pas la réponse, mais je crois fortement quand même qu'il y a quelque chose de très fort, de spirituel, et qui guide nos vies, ou en tout cas qui est présente et... Et c'est quelque chose qui, je trouve, qui est de plus en plus fort, que je ressens de plus en plus fortement et que j'avais vraiment envie d'exprimer. C'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les livres de Paulo Coelho et de Bernard Werber. Mmh. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'avais envie d'aborder cette question-là parce que je trouve que c'est aussi rassurant de se dire qu'il n'y aura pas du néant. Parce que je le mets aussi souvent, il y a certains personnages, ils croient qu'ils vont mourir, qu'ils vont être dans le néant, dans les ténèbres, ça fait très peur. Et je me dis non, j'ai pas envie que tout ça ne serve à rien, que ce passage-là, toutes les émotions, toutes les rencontres, toutes les belles choses qu'on vit, les relations avec les autres, l'amour, j'ai pas envie. Je me dis, c'est pas possible que tout ça disparaisse du jour au lendemain, parce que nous, on disparaît. Donc j'ai envie de croire que il y a quelque chose encore après, quelque chose de fort et que donc c'est pour ça que... Alors c'est sous forme de question parce que j'ai pas la réponse. Voilà. Alors Isabelle, votre héroïne de la nouvelle Miracle, va parler à beaucoup de femmes. Alors son mari l'adore, mais néanmoins il la trompe. Alors elle en souffre énormément, mais elle a une façon très très amusante de décrire les signes qui montrent que son conjoint a une nouvelle aventure. Alors vous pensez que l'on peut garder son sens de l'humour malgré la souffrance ? Bah oui, je pense que c'est bien justement d'essayer de prendre les choses avec humour. Souvent, quand on souffre, eh ben, on est centré sur cette souffrance. Et en fait, je pense que plus on est centré sur la souffrance, et plus ça augmente la souffrance. Alors que si on essaie de la prendre sous un autre angle, d'essayer de relativiser, d'essayer de prendre de la hauteur, du recul de la hauteur, et de mettre un petit peu d'humour, de se dire que finalement, peut-être que c'est pas si grave que ça, et qu'on peut peut-être trouver des solutions, et ben du coup, je pense que ça allège un peu la souffrance. Alors, Isabelle est donc très marquée par son éducation catholique qui tend à faire croire que tout ce qui touche au corps humain est sale. Elle a un blocage pour l'amour physique, elle arrive d'ailleurs même pas à prononcer le mot sexe, c'est S avec des points de suspension. Et donc, elle prend une grande décision. Vous pouvez nous en parler un peu ? Donc, oui, elle prend une grande décision parce qu'elle se dit que le problème, finalement, elle a un peu conscience que le problème vient d'elle, mais elle part pas du tout dans l'idée qu'il faudrait que peut-être ce soit elle qui change les choses. Comme souvent, d'ailleurs, les gens se disent, il y a un problème, mais le problème, c'est l'autre, en fait, c'est pas moi. Donc, elle se dit, bah, le problème, c'est ça vient du côté de son mari. Donc, comme elle est très, très religieuse, et bien, du coup, elle se dit qu'elle va aller à Lourdes, qu'elle va aller prier, et que comme elle est, c'est une bonne... grenouille de bénitier, on va dire, qu'elle fait tout ce qu'il faut pour bien faire les choses, pour être bien dans la lignée de ce qu'on attend d'elle en tant que bonne paroissienne. Forcément, sa demande va être entendue et donc elle va demander à ce que son mari, il ait des problèmes physiques et que du coup, il puisse plus avoir de relations sexuelles parce que pour elle, ce sera la solution. Puisque elle, de toute façon, c'est pas possible de changer de son côté, donc il faut que ça change de son côté à lui. Il demande donc qu'on lui noue l'aiguillette. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas très gentil pour son mari, je sais pas si elle en a conscience, que du coup elle va lui faire du tort, mais du coup voilà, elle part là-dessus et elle est très décidée. Et du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, que les religions, voilà, moi je suis très, je prends beaucoup de recul par rapport aux religions. Moi j'ai beaucoup baigné dans une éducation très catholique et ça m'a beaucoup, je trouve que ça castre, ça frustre, ça enferme, ça rend les gens malheureux, ça les fait culpabiliser, et j'avais envie de le dire. Et du coup c'est cette nouvelle là qui m'a permis aussi de dire, voilà, faut faire quand même attention, pas prendre forcément tout ce qu'on vous dit au premier degré, et prendre aussi, voilà, du recul par rapport à tous ces dogmes comme ça qu'on veut nous imposer pour notre bien, mais qui finalement font notre tort, puisqu'on se rend bien compte qu'elle, ça lui a gâché quand même une partie de sa vie amoureuse avec son mari, parce qu'il y a de l'amour, mais ça suffit pas, et du coup voilà, ça elle est prisonnière, et du coup elle veut essayer d'être libre. Mais voilà, elle prend pas forcément au départ la bonne méthode. Alors, on ne va pas dévoiler l'épilogue de cette nouvelle, bien sûr. Mais cette nouvelle a un côté très, très humoristique. Alors, vous aimez écrire des nouvelles, cela vous permet de balayer différentes formes d'écriture, différents climats ? Exactement. Ça me permet de... Voilà, c'est plein de petites vies. C'est plein de petites vies, plein de petits personnages, plein de climats différents. Oui, oui, c'est vraiment... C'est comme des rencontres, en fait. Oui, comme... oui, oui. Voilà. Ça donne plus de liberté que dans l'écriture d'un roman ? Ça donne plus de liberté, oui, je trouve. Ça donne plus de liberté parce que du coup, on n'est pas obligé de suivre une trame du début jusqu'à la fin, puisqu'on a la liberté de... Voilà, une fois qu'une histoire est finie, on repart dans autre chose. Ça permet de... Enfin, moi, dans ces nouvelles-là, dans chaque histoire, j'avais envie d'aborder des points qui me tenaient à cœur. Et c'était plus facile de les aborder avec des personnages différents que garder deux ou trois personnages principaux et d'essayer de leur coller tout ce que j'avais à dire, parce que c'est pas toujours évident. Donc oui, j'ai bien aimé la liberté de l'écriture des nouvelles, mais j'aime aussi écrire des romans aussi. Mm-hmm. Alors la dernière, Un trésor de filles, nous ramène à notre enfance avec une chasse au trésor quand même. Elle part avec une chasse au trésor. Alors vous pensez que c'est important de garder une part de merveilleux en soi ? Ah oui. Ah oui, oui, bah oui, oui, oui. Moi, c'est garder ses yeux d'enfant, son âme d'enfant. Moi, je trouve que c'est super important dans la vie. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ça permet vraiment de prendre du recul par rapport aux choses et de prendre une certaine légèreté, prendre la vie avec une certaine légèreté. Toute la journée, on nous parle de choses négatives. Les gens sont souvent... négatif, défaitiste, on voit toujours souvent plus le côté noir que le côté clair. Mon mari me dit toujours, mais toi tu vis dans un monde de bisounours, mes enfants me le disent aussi. mais redescends sur terre, c'est pas comme ça la vie. Mais moi j'ai pas envie de perdre cette âme d'enfant, parce que je trouve que justement c'est agréable de traverser la vie aussi avec ce regard-là. Alors je l'ai pas tout le temps, hein, forcément, mais dans la plupart du temps j'essaie de voir ce côté positif, parce que je trouve qu'en plus, quand on essaie de voir les choses positivement, quand on ressent les choses positivement, on attire les choses positives. Je trouve qu'on attire la chance. Quand on est dans une spirale positive, je trouve qu'on attire... Il nous arrive plein de choses positives. Je trouve que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Ça, vraiment, je l'ai constaté dans ma vie, dans la vie de mes proches. Donc, je me dis, tant qu'à faire, autant attirer les bonnes ondes. Donc, entretenons ces bonnes ondes. Oui. Et puis, ça fait du bien, je trouve. Ça fait du bien dans sa relation avec les autres. Ça nous fait du bien aussi. On apporte du bonheur aux gens. On apporte, voilà, il faut être attentif aux gens, être dans l'échange avec eux. Ça fait du bien à tout le monde. Échanger un sourire, des fois, je vois des gens dans la rue, ils font la tête et puis je vais leur faire un sourire, d'un seul coup ils sourient, ils sont un peu surpris des fois, ils sourient et puis du coup ça s'illumine et je me dis voilà, peut-être que quelque part ça leur a fait du bien dans leur journée, c'est des petites choses et je pense que si on faisait tous un peu ça, ben, ça irait bien, ça irait mieux je pense. Alors le héros de la nouvelle vendredi 13 dit qu'il allait apprendre à être heureux. Alors vous, à vous écouter, je pense que vous croyez que le bonheur s'apprend. Ah oui, oui, oui, je pense que ça s'apprend, oui. Je pense que ça s'entretient, ça s'apprend et ça s'entretient, oui. Je pense que, voilà, ce personnage-là, il s'est laissé déborder par plein de choses et du coup, il a perdu finalement ce qui était important pour lui. Et il s'est un peu déconnecté de ce qui était essentiel pour lui. Et finalement, il se rend compte, avec ce qui lui arrive dans cette nouvelle, eh ben, que finalement, c'est bien de retourner aussi aux sources et comme un ordinateur, un petit peu de se reprogrammer sur ce qui est important. Alors donc, dans la dernière nouvelle, elle part donc à la chasse au trésor, oui. Et on termine là-dessus. Vous êtes laissé une porte ouverte pour éventuellement les reprendre après ? Alors, je me suis laissé une porte ouverte parce que mon prochain livre, en fait, parle de cette chasse au trésor qu'est l'alchimie. Et je voulais, comme un fil conducteur entre chaque nouvelle, je voulais qu'il y ait un fil conducteur aussi entre ce livre-là et le prochain. D'accord. Et du coup, cette chasse au trésor, c'est le thème de mon prochain livre, en fait. Oui. D'accord. Et avec les personnages que... Alors, ce sera... Non, les personnages... Le personnage principal de cette nouvelle, ce sera un personnage secondaire. D'accord. Dans le roman. Il fera une apparition dans ce roman. Mais le thème, en fait, ce sera... cette chasse au trésor qui est l'alchimie. Parce que... en fait, l'alchimie, quand on se penche un peu... Alors, c'est la transmutation des métaux, enfin du plomb en or, oui. Mais c'est surtout la transmutation de l'âme, en fait. C'est comment devenir une meilleure personne et comment s'améliorer soi-même. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une quête. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans ma vie, de dire comment faire pour être une bonne personne et s'améliorer, se bonifier avec le temps, en fait, et ne pas s'aigrir. Donc, vous êtes déjà en cours d'écriture ? Alors, j'ai commencé, oui. Alors, je suis en cours de réflexion depuis plusieurs années, parce que c'est quand même un thème qui est très, très vaste et très... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On se rend compte que c'est lié à plein, plein de choses de la vie, de sciences, de l'histoire. Et j'ai commencé à écrire. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours compliqué de se mettre dans sa bulle et d'avoir du temps. Donc pour le moment, il est en stand-by. Alors mon éditeur me dit, il me tanne, il me dit, bon, moi je veux absolument qu'il sorte ce livre, il faut que tu t'y mettes. Donc pour le moment, il est en stand-by. Et puis ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a des moments quand je suis bien dans ma vie, j'ai moins besoin d'écrire. Et comme je suis bien en ce moment dans ma vie, du coup, j'ai pas cette nécessité de me retrouver en tête à tête avec ma page blanche. Ça aussi, c'est compliqué. Parce que quand je vais pas bien, ma page blanche, allez, j'écris, je vais dans mon univers, dans mon monde, je me fais du bien. Et puis quand je vais bien dans ma vie, et ben finalement, la page blanche, je la mets un peu de côté. Et là, en ce moment, comme je suis plutôt bien dans ma vie, ben ça va. Alors, je vous ai vu au livre sur la place. Est-ce que vous aimez la rencontre avec les lecteurs ? Ah, j'adore. Ah oui, oui. Je pense que vraiment, ça fait aussi partie des plaisirs de l'écriture, de rencontrer les gens et de pouvoir échanger avec eux. Et c'est rigolo parce que les gens, ils vous racontent beaucoup leur vie, en fait, quand on va dans les salons du livre. Donc, c'est sympa parce que du coup, on est vraiment dans l'échange. Moi, ça, je me dis, il y a peut-être des choses aussi encore à grappiller. Ah oui, j'imagine bien. Je dis toujours aux gens autour de moi, faites attention parce que peut-être vous ferez partie d'un de mes prochains livres sans le savoir. Hein. Mais oui, je trouve que c'est très enrichissant. Alors, bon, au livre sur la place, les gens ne me connaissaient pas, donc c'est toujours un peu compliqué quand les gens ne vous connaissent pas, ne connaissent pas vos livres, de pouvoir échanger sur notre travail. Mais j'espère que, voilà, que si les gens lisent mon livre, après, ils auront envie aussi de venir discuter avec moi de mon travail aussi. Donc, j'ai fait une page, je suis sur Facebook et j'ai fait une page Les Jours de Chance. Et j'ai dit aux gens qui m'ont acheté mon livre, n'hésitez pas à m'écrire des choses, à me donner vos renvois, enfin voilà, me donner ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé, que ce soit positif, négatif. Moi, ça m'aide aussi à avancer. Il y a quelques personnes, les personnes qui me connaissent, qui m'ont marqué des choses, mais les personnes qui ne me connaissent pas, m'ont rien marqué. Donc, je fais un appel aux gens qui ont lu Les Jours de Chance. N'hésitez pas à me mettre des mots sur ma page Facebook, ça fait toujours plaisir. Même si c'est, voilà, s'il y a des choses qui ont moins plu, c'est de toute façon, c'est toujours constructif. Alors, quelle est votre actualité? Vous allez fréquenter d'autres salons prochainement? Alors, je pense que je vais faire... donc là, je suis sur mon village, en fait. Donc, moi, j'habite à Grand-Villard, dans le territoire de Belfort. Le 2 décembre, je vais faire une rencontre littéraire à la bibliothèque de mon village. Normalement, je dois faire aussi la foire aux andouilles au Val d'Ajol. Il y a un salon littéraire le dimanche. Donc, ça doit être le 17 février. Donc je ferai aussi ce salon-là qui est un salon très agréable où là les gens viennent beaucoup discuter, donc c'est vraiment très intéressant aussi. Et puis normalement je crois que je dois faire aussi début février à Saint-Nicolas-de-Port. Oui, c'est au mois de février. Voilà, et donc à Saint-Nicolas-de-Port avec ma maison d'édition. Normalement je dois venir aussi. Voilà. Alors il nous reste une minute, un peu plus. Quel est votre genre de lecture préféré? Vous avez un auteur de prédilection? Alors, non, j'ai plusieurs auteurs de prédilection. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime beaucoup Paulo Coelho, Bernard Werber. Mais je lis plein de choses différentes, en fait. J'aime beaucoup Giacometti Ravenne, qui sont historiens, journalistes. J'aime aussi beaucoup Françoise Dorin. J'ai des périodes, en fait. J'ai Anna Gavalda. Enfin, voilà, c'est assez éclectique, en fait. J'aime bien me nourrir de d'auteurs différents. Mais par contre, je ne lis pas quand j'écris, pour ne pas me laisser happer par l'écriture des autres. Donc je vais lire des choses plus... là, je suis en train de lire, par exemple, sur les mafias corses. Donc c'est plutôt des enquêtes journalistiques. Mais je ne lis pas de romans, ni de nouvelles, ni... voilà, pour ne pas de genre littéraire, pour ne pas me laisser influencer pendant ma phase d'écriture. Ah oui, c'est sûr que ça doit être très, très difficile de s'extraire de ce qu'on a lu, en fait. Hein. Surtout quand on est pris dedans, vraiment, puis qu'on aime, on aurait tendance peut-être à se laisser influencer, donc surtout pas. Voilà. Eh bien, donc, merci à Muriel Claes, j'allais oublier votre nom, d'être venue nous parler de son recueil de nouvelles, Les Jours de Chance, publié chez Rebeline Édition. Alors, merci Muriel d'être venue nous en parler. Ben, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très contente de vous avoir rencontrée et de partager ce moment avec vous. Merci, au revoir à tous et à bientôt.